Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. En 1891, pour échapper à un travail abrutissant dans une conserverie de saumon, Jack London s'est acheté une chaloupe et il est devenu pilleur d'huîtres dans la baie de San Francisco. Il a alors 15 ans. C'est évidemment durant ces années que se décide l'ossature du futur écrivain. Comme les petits gangsters qui attendent le gros coup pour changer de vie, Jack London, après un gros coup de filet qui va lui rapporter un butin considérable, se saoule pendant 3 semaines avec ses copains de bordée, avec juste quelques éclipses de sobriété, comme il disait. Un soir, ivre mort, après une sortie avec des pêcheurs, il est 1h du matin, il essaye de monter à bord de son bateau, le Razzle Dazzle, sur la jetée de Benicia, et voilà qu'il tombe à l'eau. Les courants qui agitent les détroits de Carguinez l'emportent. Il sent un cafard terrible l'envahir et se dit qu'après tout, s'il se noyait, ce serait une fin merveilleuse. L'eau est délicieuse et il se dit « Voilà une digne mort pour un héros ». En passant devant le quai de Salano, rempli de monde et de lumière, il s'applique à ne faire aucun bruit. Sans risque d'être interrompu, il adresse aux étoiles son propre chant funèbre, heureux de dire adieu au monde. Étendu sur le dos dans la lumière stellaire, il regarde passer les lumières familières, rouges, vertes et blanches, et il dit à chacune un adieu triste et sentimental. John Barleycorn choisit ce moment pour me jouer sa farce diabolique. Je fus obsédé par une soudaine lubie de m'en aller avec la marée. Je n'étais pas d'un tempérament morbide et jamais la pensée du suicide n'avait pénétré mon esprit. Maintenant qu'elle s'y insinuait, je songeais que ce serait l'apothéose glorieuse, le splendide apogée d'une carrière courte mais agitée. J'ignorais tout de l'amour d'une fiancée, d'une épouse ou de l'affection des enfants. Je n'avais encore jamais folâtré dans les vastes jardins des délices artistiques ni escaladé les sommets étoilés de la froide philosophie. Mes yeux ne connaissaient du monde superbe qu'une surface infinitésimale comme la pointe d'une aiguille. Je croyais que tout s'arrêtait là. J'estimais avoir tout vu, tout vécu, tout éprouvé de ce qui en valait la peine. Je décidai qu'il était temps d'en finir. Mais l'eau le dégrise, et après avoir ardemment souhaité mourir, il désire vivre avec tout autant de force. Il se défait de ses vêtements et s'élance à travers le courant. Il nage. Au petit matin, il se trouve dans les eaux bouillonnantes de Mare Island, où s'entrechoquent les rapides des détroits, de Valero et de Carguinez. Épuisé et transi, le vent lui envoie de grandes giclées d'eau dans la bouche. In extremis, un pêcheur grec qui se dirigeait vers Valero le tire de l'eau et le ramène sans connaissance sur son bateau. De longues années, il va cesser de boire à l'excès comme il l'a fait cette nuit-là. C'est cet épisode qu'il a en mémoire lorsqu'il écrit 20 ans plus tard Martin Eden, qui justement se suicide par noyade à la fin du roman. Martin nagea, nagea toujours plus bas, jusqu'à l'épuisement. Il savait qu'il était à une grande profondeur. La pression de l'eau sur ses tympans était un supplice et sa tête bourdonnait. Son endurance s'émoussait, mais il contraignait ses bras et ses jambes à l'entraîner plus bas encore, jusqu'à ce que, perdant brusquement tout contrôle sur lui-même, il expulsa violemment l'air qui gonflait ses poumons. Les bulles remontèrent le long de ses joues et devant ses yeux comme de minuscules ballonnets bondissants. Et alors, vint la douleur et l'étouffement. Cette souffrance n'était pas la mort, se dit-il dans une demi-inconscience. La mort ne faisait pas mal. Non, c'était la vie, cette atroce sensation d'étouffement. Le dernier mauvais coup que lui portait la vie. Ses mains et ses pieds se mirent à battre l'eau de tous côtés, dans des soubresauts désespérés. Mais il les avait bernés. Il avait beau brasser l'onde, il avait gagné. Il avait vaincu l'instinct de survie. Il était descendu bien trop bas. Ses bras et ses jambes ne pourraient plus le ramener à la surface. Il croyait flotter langoureusement dans une vision de rêve. Des rayons et des couleurs l'entouraient, le baignaient, le pénétraient. Qu'était-ce ? On eût dit un phare. Mais non. C'était à l'intérieur de son cerveau, un éclair de lumière blanche, une lumière de plus en plus vive. Il y eut un long bourdonnement, puis il eut l'impression de tomber dans un vaste escalier sans fin. Tout en bas, c'était les ténèbres. Cela, il le savait. Il sombrait dans les ténèbres. Et au moment où il le sut, il cessa de le savoir. L'approche de la mort dans la baie de San Francisco lui a fait enregistrer une nuée de sensations dont il se souvient et se trouve marqué lorsqu'il écrira Martin Eden. C'est encore cet épisode qui fera douter de sa mort naturelle quand, à 40 ans, au même âge que Stevenson, qu'il admirait tant, il absorbe une trop grande quantité de morphine. Lui dont la vie fut une légende se sera offert, dernière provocation, une mort légendaire. Comme Mia Farrow dans La rose pourpre du Caire, qui va se lever de la salle de cinéma où elle est assise pour entrer dans la fiction projetée sur l'écran, Jack London se serait glissé dans la peau de Martin Eden, son héros, pour s'offrir une superbe fin de romancier, emprisonné à jamais dans une fiction que lui-même avait créée. Ceux dont sa femme Charmian, qui ont absolument voulu rejeter la thèse du suicide, ont souvent invoqué les quelques déclarations de London à ce sujet. « Martin Eden s'est tué, dira-t-il, en 1910, et moi je suis toujours en vie. » 4 ans plus tard, pourtant, répondant à une enquête sur le suicide, il écrit « L'homme possède une seule liberté, à savoir celle d'anticiper le jour de sa mort. Je reconnais à tout individu le droit de mettre fin à sa vie. » Les suicidés de la littérature, comme s'ils voulaient par avance brûler ce qui les attire tant, se sont tous manifestés en déclarant la mort volontaire comme une lâcheté face à l'adversité de la vie. Au printemps 1918, 2 ans après la mort de Jack London, Vladimir Mayakovsky interprète à Moscou un film dont il a écrit le scénario qui s'intitule « Pas né pour l'argent ». Largement inspiré de Martin Eden, Mayakovsky interprète lui-même le rôle de l'écrivain d'Oakland, transformé en poète futuriste russe. Contrairement au roman, la vie du poète, revisitée par Mayakovsky, ne s'achève pas par le suicide du héros, et il en donne par écrit la raison. Dans son roman, Jack London nous montre pour la première fois un écrivain de génie à travers sa vie extraordinaire. Mais il est dommage que la force et la grandeur de Martin Eden soient gâtées par une fin aussi larmoyante. Mayakovsky en rajoutera 8 ans plus tard, en 1926, lorsque Serge Essénine sera retrouvé pendu dans sa chambre d'hôtel. Il écrira un poème pour condamner le geste de son ami. « Dans la vie, dit-il, une chose est simple, c'est mourir. Refaire cette vie est bien plus difficile. » De même qu'au lendemain de la Révolution d'octobre, 2 ans après le supposé suicide de l'écrivain américain, Mayakovsky n'avait pas accepté que Martin Eden le rebelle et son double et auteur Jack London le socialiste aient pu manquer de foi révolutionnaire au point de se laisser aller à un acte de désespoir nihiliste. Il n'accepte pas non plus le suicide de son ami Serge Essénine. Pourtant, Vladimir Mayakovsky se tue à son tour le 14 avril 1930 d'une balle en plein cœur. Il a 37 ans. Il faut bien connaître avant de mourir son plus grand chagrin, a écrit Louis-Ferdinand Céline. Peut-être que l'un et l'autre, London et Mayakovsky, avaient fait connaissance avec leur plus grande douleur et qu'ils venaient de rencontrer leur obscure infortune. Mais revenons à la nuit où London vient d'entamer un début de danse avec la mort. Il s'en est fallu d'un cheveu que Cro-Blanc, l'appel de la forêt, la vallée de la lune ne soient engloutis par la marée montante de San Pablo Bay. Dans les médias, l'épisode a une conséquence, et si elle n'est pas encore littéraire, elle a au moins le mérite d'être radicale. 8 jours plus tard, il est accosté par un bateau de la police, et un commissaire lui propose de renoncer à sa vie de pirate. En échange, on lui offre d'entrer dans la police maritime. Contre toute attente, Jack London accepte. Mais donnant-donnant, il recevra 50% du montant des amendes qu'il fera payer au contrevenant. Ayant pratiqué dans l'un des deux camps le jeu du gendarme et du voleur, c'est joyeusement qu'il se voit nommé chef de détachement de la police maritime. Il a 16 ans et va rester là 1 an à traquer les bateaux grecs et chinois jusqu'à ce que le goût du grand large ne le submerge. Jusqu'à présent, il n'a fait que sillonner la baie de San Francisco sans oser, sur son frêle esquif, affronter la vastitude des océans. La baie est trop étroite pour ses rêves, et il en a assez des beuveries, des policiers et des voyous. C'est le monde qu'il veut. J'ai vécu à Auckland toute ma vie, mais je n'y vivrai pas jusqu'à la fin de mes jours. Je vais partir. Partir. Depuis longtemps, l'obsessionnel désir d'être ailleurs, c'est-à-dire tenter une autre vie plus agréable, le pousse comme tout aventurier vers la fuite en avant. Il imagine trouver la personne, le lieu qui vont le tirer de l'ornière. Il ne sait pas encore que ses couleurs, sensations, paysages, dialogues qu'il va rencontrer seront un jour le trésor sans prix dans lequel il puisera des dizaines de romans et que des millions d'inconnus de par le monde liront, pour à leur tour prendre du plaisir à s'évader. À 17 ans, il signe son engagement de marin sur un trois-mâts jaugeant 150 tonnes, le Sophia Sutherland. Destination, la Corée, le Japon, la Sibérie et le détroit de Bering. Cette fois, il s'agit de harponner le phoque durant 90 jours et surtout de quitter son territoire. Aller là où se nouent les tempêtes et les ouragans. Aller se frotter aux rebelles océans. Le 12 janvier 1893, j'avais 17 ans. Et le 22, je signais devant le commissaire de bord mon engagement sur le Sophie Sutherland. Naturellement, il nous fallait arroser ça. Joe Vini, le patron du bar, me monnaya le chèque que je venais de recevoir en acompte. Pete Holt y alla de sa tournée, moi de la mienne, ainsi que d'autres chasseurs. Voilà comment se comportaient les hommes. Était-ce à moi, gamin de 17 ans, de protester contre la manière de vivre de ces gaillards à la belle prestance et dans la plénitude de leurs forces? Adieu la baie, adieu Auckland, adieu les rues et détroits familiers. Pour la première fois, l'adolescent London va se glisser dans un monde inconnu, loin de la baie de San Francisco, la ville où vient de s'écrire le tout premier chapitre de sa légende. Dirty old town. Il a emporté pour le voyage une malle de livres. Pendant ce voyage, tard dans la nuit après 16 heures de quart et d'entretien des voiles, il lira à la lueur de la chandelle Madame Bovary et Anna Karénine. On lui confie la barre au large des îles Benin. La tempête souffle et il apprend à lutter avec les 20 mètres. Son esprit est au comble de l'exaltation d'avoir à maîtriser les forces de la nature déchaînée. J'avais entre mes mains, écrira-t-il plus tard, le sort d'un bateau qui tanguait furieusement avec la vie de 22 hommes à bord. Mais les plaisirs de la mer sont de courte durée lorsqu'il constate le massacre des phoques auquel l'équipage se livre dans la baie sibérienne. C'est là que commence la sanglante boucherie. Des mois et des mois à tuer et dépouiller de leur peau les phoques dont on jette la carcasse aux requins qui suivent le bateau à l'affût de leur dû de sanguinolence. Ce fut un carnage inutile. Tout cela rien que pour que des femmes se parent de fourrure. Aucun homme ne mange la chair des phoques et on n'utilise pas leur huile. Après une journée de bonne chasse, j'ai vu les ponts de notre navire jonchés de peau et de carcasses, ruisselant de graisse, les gouttières dégoulinant d'un liquide rouge, les mâts, les cordages et les bastingages tachés de cette couleur sanguinaire, et les hommes comme des bouchers en plein labeur, le torse nu et les bras écarlates, découpant avec leurs couteaux rapides et étincelants ces jolies créatures de la mer qu'ils venaient d'assassiner. Pourtant, malgré son dégoût, et comme il en a l'habitude, Jack London remplit son contrat et travaille avec acharnement. Que ce soit pour des tâches repoussantes, ce qui est le cas, fastidieuses et répétitives, comme cela a été à la conserverie, ou encore dans ses rapports à l'alcool, il ne sait pas se mesurer. Sans doute aussi ne le souhaite-t-il pas et désire-t-il se brûler là où ça crie et là où ça fait mal. On le verra aussitôt qu'il aura en tête d'écrire quotidiennement. Ce sera toujours beaucoup et vite, jusqu'à épuisement. Certains êtres que la nature a dotés d'une force hors du commun n'ont de cesse de frôler la ligne où ils la verront les abandonner. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. In Tulsa town, we chanced to stray. We thought we'd try to work one day. The boss said he had room for one. Says my old pal, we'd rather bum. And here's to you, my rambling boy. C'était Jack London, Naissance d'un écrivain, par Yves Simon, avec les voix de Stéphanie Chevrier, Jean-Claude Dauphin et Bernard-Pierre Donadieu. Réalisation, Marie-France Nussbaum. Prise de son et mixage, Pierrick Charles et Cécile Dume. Équipe de réalisation pour le feuilleton, Philippe Baudouin, Bernard Laniel et Catel Guillou. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en août 2001. He got the chills and he got 'em back. They took the only friend I had. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. He left me here to ramble on.